Ah, mais non ! C'est pas comme ça que cela marche, répondit Lapin. Pour tout le monde, le bas, c'est en direction du centre de la Terre. De l'autre côté, vous aurez les pieds par terre, comme tout le monde. Les deux fillettes furent très déçues. Les autres gens aussi.